se couche sur la ville de Semiassène. Watch on or not. Le soleil se couche sur la ville. Vos attentes tous arrêtent pour d'autres tout commence dans l'utile ou le futile. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Le soleil se couche sur la ville. Vos attentes tous arrêtent pour d'autres tout commence dans l'utile ou le futile. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Un palais social se joue devant moi quand le soleil se couche au Paris. Sans aucun émoi, certains ont l'air d'avaliver tout le jour un combat. Pendant que tout se prépare à faire la fiesta. La vie s'organise ainsi qu'ici-bas. Quand le patronat danse avec le prolétariat. C'est chacun pour soi et surtout chacun chez soi. Et j'entends toujours les pleurs des gens d'en bas de chez moi. Le soleil se couche sur la ville. Pour certains tout s'arrête, pour d'autres tout commence dans l'utile ou le futile. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Le soleil se couche sur la ville. Pour certains tout s'arrête, pour d'autres tout commence dans l'utile ou le futile. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Quand le soleil se couche sur la ville, j'ai l'impression que c'est pas le même que sur mon île. Et je sais que de Paris jusqu'à Mandeville, c'est les mêmes qui triment pour la part du gâteau la plus infime. Les voitures klaxonnent sur le périph', et dans leur caisse, même les caves se revivent. Le métro bombé de Parisiens agressifs. À 8h du soir, pour tout le monde, c'est le même tarif. C'est l'heure où tout le monde est devant son journal. Les mauvaises nouvelles pleuvent en rafale. Et j'essaie d'oublier la routine quotidienne. C'est pas tout ça, mais à ce temps-ci, j'ai la dalle. Le soleil se couche sur la ville. Pour certains tout s'arrête, pour d'autres tout commence dans l'utile ou le futile. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Le soleil se couche sur la ville. Pour certains tout s'arrête, pour d'autres tout commence dans l'utile ou le futile. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Encore une journée passée à Paname. Toujours les mêmes rengaines et les mêmes mélodrames. Daddy Morissingo. Le soleil se couche sur la ville. Daddy Morissingo. Le parasite de vermine. Quand le soleil se couche dans ma tête, c'est que j'ai plus le cœur à faire la fête. Je suis plus trompé par le miroir aux alouettes. Entend et entend tout le monde verra sa tête. Quand le soleil se couche ici bas, c'est qu'une nouvelle journée s'annonce à moi. Tous les jours je me lève et je vais au combat. Je fixe l'horizon, je prie et j'y crois. Sans mes gosses en or. Le soleil se couche sur la ville. Pour certains tout s'arrête, pour d'autres tout commence dans le vide ou le futile. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Le soleil se couche sur la ville. Pour certains tout s'arrête, pour d'autres tout commence dans le vide ou le futile. Le soleil se couche sur la ville. Et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Le soleil se couche sur la ville. Le soleil se couche sur la ville. Le soleil se couche sur la ville. Le soleil se couche sur la ville. Le soleil se couche sur la ville. Le parasite de vermine.